mes auditrices et auditeurs, bonsoir. Nan lara ansara. Ce qui veut dire, si nous nous couchons, nous sommes morts. A dit l'historien burkinabé Joseph Kizerbo. Eh bien, c'est avec cette pensée que nous démarrons avec vous votre émission Fenêtre de l'Afrique sur Radio Canal K et ses radios partenaires FM Liberté, Radio Dénimant, toutes basées aux États-Unis. Eh bien, dans l'édition de ce soir du 14 octobre 2017, nous allons encore nous intéresser aux vagues de contestation ces dernières semaines au Togo. Et ce peuple exige le retour à la constitution de 1992 et met l'accent également sur un paragraphe de cette constitution qui dit, je cite, « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats ». Et alors que l'opposition annonce de nouvelles manifestations les 18 et 19 octobre prochains pour dire non à la CEDEAO, Communauté internationale, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour la tenue d'un référendum proposé donc par le pouvoir de Faure Gnassingbé, ce dernier vient d'interdire les manifestations en semaine. Que vous inspire cette interdiction face à ces vagues de contestation du peuple togolais qui exige le retour à la constitution de 1992? Que comprendre du mutisme du chef de l'État togolais face à la crise? L'opposition refuse toute rencontre avec l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, une bonne ou mauvaise stratégie. À mes auditeurs, ces sujets meubleront le débat avec nos invités, entre autres, comme l'an Rodrigue Pogli. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Merci d'être au studio. Et dans quelques instants, nous allons vous présenter à nos auditeurs. Merci. À mes auditeurs, tout de suite, notre éditorial. Le peuple togolais poursuit avec détermination, fermeté et intégrité sa lutte pour la démocratie et l'état de droit. Une lutte donc très acharnée qui retentit et suscite de vaines agitations de personnalités à moralité douteuse qui frappent discrètement aux portes du dictateur Faure Gnassingbé pour lui proposer un référendum, ce rendez-vous déjà manqué, pensé pour lui permettre une présidence à vie. Heureusement, le peuple togolais reste déterminé et vigilant. Plus aucun business ne sera fait par qui que ce soit pour noyer cette énième lutte du peuple togolais. Aucune initiative, aussi maligne qu'elle soit, ne viendrait monnayer cette lutte à travers laquelle le peuple togolais est décidé à définitivement finir avec le système dictatorial du clan Gnassingbé. Du diplomate ghanéen Ibn Chambaz à sa collègue Aïchatou Midaoudou Suleiman, ancienne ministre nigérienne des Affaires étrangères, passant par un réseau de présidents de la sous-région ouest africaine, le peuple togolais reste averti et reste intraitable sur ses revendications ultimes et légitimes. Retour à la constitution du 14 octobre 1992. Vote de la diaspora. Libération de tous les détenus. À ces trois points, à mes auditeurs, l'on peut dissocier les réformes électorales, notamment les réformes de la Cour constitutionnelle et la CENI. La CENI, parlons-en. Comment peut-on comprendre qu'au moment où le peuple togolais dit non à ce fameux référendum, sur recommandation de quelques diplomates malins qui ont, dans un courrier malsain, appelé le gouvernement à fixer rapidement une date pour ce rendez-vous électoral, le gouvernement togolais s'entête à foncer droit dans un mur suffisamment lézardé? Au moment où les vrais élus du peuple togolais s'alignent sur la position du peuple pour exiger le retour à la constitution de 1992, entre autres, leurs collègues du RPT Unis ont procédé à l'élection, dit-on, pour ne pas dire choix, de quelques membres de la CENI. Fait curieux, de pseudo-opposants ont envoyé de représentants dans cette structure qui, l'on le sait très bien, fonctionne comme une propriété privée de la famille Gnassingbé. Dernier acte en date, programmation unilatérale des résultats jusque-là ambigus des élections présidentielles de 2015. Et dire que la Cour constitutionnelle de Abdou Assouman ne reste en réalité qu'une caisse d'enregistrement et de confirmation des fraudes électorales. Une Cour constitutionnelle dont le président s'invite dans le débat politique et a déjà tourné la page à l'accord politique global et donc les réformes. À mes auditeurs, ce qui pose fondamentalement la problématique du fonctionnement hémiplégique ou tétraplégique des institutions de la République togolaise et aussi de l'administration publique où on peut se permettre de déverser tous les travailleurs, des ministres au personnel des ministères et sociétés de l'État, passant par les cabinets des ministres, un jour ouvrés pour marcher et soutenir Faure Gnassingbé, qui, on ne peut le cacher, est vraiment en train de tomber et presque. Fait curieux là aussi, mais ce qui l'est encore plus à mes auditeurs, c'est le fait que ministre de la Division Territoriale de la Décentralisation des Collectivités Locales, Payado Aboukwesi, celui-là qui est garant de l'application de la loi portant manifestation publique au Togo, après avoir lui aussi marché aux côtés des véreux et caciques du NPT Unir, posé en selfie à la place de Lomé, avec deux pseudo-artistes Bitoza, acquis à la cause de la dictature, pondre un communiqué le soir pour dire, interdire les manifestations publiques des jours ouvrables. Comment comprendre cette situation qui pose en réalité une sérieuse problématique d'éthique en matière de gestion de la République? Un ministre qui lui-même marche un jour ouvrable et vient interdire en violation d'une loi constitutionnelle les manifestations publiques des jours ouvrables, tout simplement parce qu'il soutient un président usurpateur et dictateur. Absurdité. Le bon sens voudrait que l'on retienne ces ardeurs insipides, surtout en cette période sensible où le destin du Togo bascule entre la dictature et la démocratie. Nous disons non, non et non à cette fameuse opposition de ces ministres qui doivent trouver mieux à offrir au peuple togolais. Trop, c'est trop, dit le peuple souverain. Au lieu de s'acharner inutilement contre le peuple togolais, qui n'a que trop souffert de la dictature séculaire et 51 de Nyasimbe, Payado Aboukwesi et Jacques Demian fera mieux de demander à leur fils mentor d'accéder ou de s'ouvrir aux revendications du peuple togolais qui, cette fois-ci, ne fléchira pour rien au monde. Peuple togolais, l'interdiction dont parlent ces ministres véreux ne te concerne en rien. Lève-toi et prends ton destin en main. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache, nous dit-on. Et comme le disait la légende de la révolution pacifique américaine, Martin Luther King, chacun a la responsabilité de désobéir aux lois injustes. Lève-toi donc et marche sans considération à cette loi liberticide, inique, insensée et injuste. Le devoir t'appelle, peuple togolais. L'heure de la liberté a plus que jamais sonné. Peuple togolais, ta flamme de remobilisation rallumée ne doit en aucun cas plus s'éteindre. Par ta foi et ton courage, la nation doit renaître. Novio, à vous l'été. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, mes auditeurs, avant de prendre nos invités, retrouvons d'abord notre correspondant permanent au Togo, Rodrigue Aigo, pour le briefing sur l'actualité politique au Togo. Rodrigue Aigo, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tout le peuple togolais, qu'on soit au Togo ou sur une terre d'accueil. Eh bien, Rodrigue, au Togo, c'est l'interdiction des manifestations et de l'opposition et de la société civile pour dire non au référendum. Qu'en est-il, Rodrigue Aigo? Baptisée loi Bodjona, la loi sur les manifestations publiques en vigueur au Togo est malheureusement en train de subir des brimades à elle infligées par des gens qui sont censés la protéger. Non seulement elle est violée, mais elle s'applique avec vibration dans un contexte où le peuple togolais accélère sa lutte de démocratisation. Une application biphasée basée finalement sur des considérations sociopolitiques et ethniques, contrairement aux dispositions de la constitution originelle du 14 octobre 1992 et de toutes les autres versions tripatouillées qui disposent en l'article 2, la République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques, ainsi que toutes les croyances religieuses. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Fin de citation. En effet, le premier jet de cette imposture exercée sans vergogne par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales Payado Aboukwesi avait été avancé le soir du 29 août 2017, après qu'il ait lui-même, contrairement à tout principe de bonne gouvernance et de démocratie, non seulement autorisé mais organisé et participé à une manifestation publique un jour ouvrable pour, dit-il, soutenir Fornia Singbe. Des images l'ont montré en pleine séance de selfie sur la plage de Lomé avec ses collègues et des artistes griots du pouvoir. Quelques minutes seulement après avoir livré ce spectacle désolant au regard d'un monde qui braque ses projecteurs sur le Togo, Monsieur le ministre porte un premier coup dur à la loi en communiquant la probabilité d'interdiction de manifestation les jours ouvrables, faisant donc de l'application de la loi un instrument basé sur des considérations politiques. Comme cela ne lui suffisait pas, Paya Doué Boukessi introduira un projet de loi à l'Assemblée nationale en guise d'amendement de la loi sur les manifestations publiques, un document dans lequel ce dernier fait parler son desiderata en y introduisant des dispositions iniques qui briment en toute sincérité le droit universel de manifester, le tout en violation de la Constitution de la 4e République, c'est-à-dire celle sodomisée. L'on ignore à ce jour à quoi représente ce projet de loi. Toujours assoiffé de l'envie de refuser au peuple de manifester pour dénoncer la dictature d'Ignacimbé, le pillage des ressources du pays et son accaparement par une minorité citée par le chef de l'État, la gouvernance antisociale de Fort Ignacimbé, la violence militaire et policière exercée par les forces armées togolaises sur les populations togolaises qui manifestent à main nue, la gabegie, le bradage des ressources du pays, etc., Paya Doué Boukessi portera l'estocade à la liberté de manifester, à l'introduction de la note d'information de déclaration des prochaines manifestations de l'opposition les 18 et 19 octobre prochains, en animant premièrement une conférence de presse au cours de laquelle celui-ci et son collègue de la sécurité et de la protection civile attribuent à la coalition des 14 partis politiques de prétendus actes de violence que des manifestants auraient posés à l'endroit d'autres citoyens qui refuseraient de manifester. Très étonnant du moment où aucun des deux ministres n'a été capable de matérialiser ces allégations. C'est donc ainsi que le ministre Paya Doué Boukessi lancera une campagne médiatique qui informe de l'interdiction des manifestations les jours ouvrables. Vous pouvez organiser des meetings les jours ouvrables, mais les marches, vous ne pourrez les organiser que les week-ends, peut-on lire dans les publications. Une information qui sera confirmée par la décision numéro 0010/MATDCL/CAB du 13 octobre 2017. Coup de tonnerre, Paya Doué Boukessi venait d'abroger une loi constitutionnelle et une loi organique par une décision ministérielle. Dans sa décision, contrairement aux dispositions de l'article 12 de la loi réglementant les manifestations publiques qui stipule que l'autorité administrative qui reçoit la déclaration peut faire connaître ses observations et ses recommandations, notamment en ce qui concerne le lieu, l'itinéraire, la sécurité et les secours d'urgence raisonnables, dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation. Fin de citation. Le ministre s'arroge le droit de différer les dates des manifestations telles que prévues par les organisateurs et de changer la nature de ces manifestations annoncées. Une faute extrêmement grave qui matérialise l'application biaisée de la loi pour protéger certains et léser d'autres. La coalition des 14 partis politiques persiste et signe la tenue des manifestations telles qu'annoncées par elle sur les 18 et 19 octobre prochains. L'opposition appelle le peuple togolais à chuter la marche devant le siège de la CEDEAO à Lomé pour dire à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qu'il ne veut pas d'un référendum. Cette marche et sa nature découlent d'un courrier publié par la CEDEAO, courrier dans lequel l'organisation sous-régionale appellerait Fort Ignacimbé et son gouvernement a fixé rapidement une date pour aller au référendum. Cette position de la CEDEAO, corroborée par des déclarations au cours des sorties médiatiques du président de la commission de l'organisation, est dénoncée par l'opposition qui veut manifester pour l'exprimer devant le siège de la CEDEAO à Lomé. Paya Doué Boukessi interdit les marches des jours ouvrables. La coalition des 14 partis politiques persiste et signe la tenue de ces marches. Le bras de fer est ainsi engagé et met les signaux au rouge. Cette trouvaille de Boukessi a rapidement été copiée par le contre-amiral Fogan Adegnon, président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, qui par le courrier numéro 630 du 3 octobre 2017 a fait part au Front Togo Debout de l'interdiction d'une messe œcuménique suivie d'un concert à la plage de Lomé organisé par ce front ce dimanche 15 octobre pour dire non à la violence, arguant qu'il leur parvienne certaines informations tendant à troubler l'ordre public. Eh bien, c'est dommage, Rodrigue Ayego. Vous voulez également nous parler de l'autre actualité, élection des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CELI, annonçant, selon vous, les couleurs d'un référendum hypothétique. Rodrigue. Effectivement, Sylvain, vous avez lâché le mot. Il s'agira bel et bien d'un référendum hypothétique ou encore de rêve si nous nous en tenons aux déclarations des responsables politiques de l'opposition, aux cris de détresse du peuple qui poursuit malgré les contraintes ces manifestations et aussi aux différentes réactions qui se multiplient au lendemain de l'annonce par voix à peine voilée de l'intention du pouvoir d'organiser un référendum pour interroger son peuple sur les nouvelles dispositions glissées dans la constitution togolaise qui a malheureusement subi un nouveau toilettage le 19 septembre 2017. Malgré les différentes dénonciations de cet acte qui risque, selon l'opinion, de conduire à un chaos, le RPT Unir va vite. Le 12 octobre 2017, les députés de la mouvance ont élu et désigné 12 des 17 membres de la CENI, mandatés pour organiser 3 élections, à savoir les législatives de 2018, les élections locales et le fameux référendum qui divise et intensifie la détermination du peuple togolais qui n'en veut pas. Dans cette équipe, Unir est représenté par 5 membres, à savoir Anakoma Bikbeta, Eric Kwade, Latif Seigneur Kegbero, Bamnant Komikbim et Sogoyu Kegewe. L'administration ressuscite Tozim Potopere, au but de Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo avec Kombe Kombete et le net de Jerry Tama avec Augustin Bruno font leur entrée au titre de parti extra-parlementaire aux côtés du PDR. Au niveau des représentants de la société civile, on retrouve Kuigan Yawa de l'ONG Aspro, militante du RPT Unir, Kadanga Kojona de CPD et Chakondo Urobosi de Coped. Si ces élections et nominations tiennent en partie compte sur le plan numérique des dispositions de l'article 12 du Code électoral, elles violeraient, selon certains observateurs, l'accord politique global de 2006 qui a rétabli la CENI dans sa mission d'organisation et de supervision des consultations électorales et référendaires et redéfini sa composition. Avec cette élection, l'on estime que le pouvoir venait d'annoncer les couleurs de son intention d'organiser contre la volonté du peuple qu'il prétend aller interroger, un référendum que celui-ci rejette avec détermination et rigueur. En tout cas, merci beaucoup, Rodrigue Ayego, pour ce briefing sur l'actualité sociopolitique au Togo. Nous vous retrouvons samedi prochain, même heure, même studio. Bonsoir. Merci de votre fidélité sur le 3xw.canalk.ch. Nous retrouvons nos premiers invités en direct depuis Paris et Strasbourg dans cette émission. Gaëtan Baptiste Oumarou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Gaëtan Baptiste Oumarou est secrétaire national de l'ANC à la diaspora Alliance nationale pour le changement. Depuis Paris, nous retrouvons également Raymond Aivy, bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Merci de nous recevoir. Merci, Raymond Aivy. Vous êtes le coordinateur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. On va parler de cette manifestation à Paris samedi dernier. Raymond Aivy, du CMDT, vous avez collaboré avec le mouvement Togo Debout. Comment est-ce que vous êtes arrivé à mobiliser autant de monde, autant de foule, autant de Togolais, des panafricains autour de cette manifestation samedi dernier, Raymond Aivy? Ben, tout d'abord, merci à Radio Canalka de nous permettre de nous exprimer sur ces ondes. Oui, effectivement, depuis le 19 août, les Togolais sont mobilisés un peu partout en Europe, comme vous le savez. Donc pour nous, la marche internationale qui s'est organisée à Paris, que le monde entier a vu converger sur cette place de Paris, depuis la place de Bastille, une place célèbre qui en dit long concernant l'histoire de la France, jusqu'à la place de la République, voilà, endroit aussi qui en dit long dans l'histoire, les Togolais n'ont pas eu du mal à pouvoir converger. Ils venaient donc de l'Allemagne en force, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Italie. Et voyez-vous, quand la police dit que on estimait notre nombre à 6 000, cela ne nous étonne guère, puisque la République était noir de monde et il y avait des Togolais de partout. D'accord. Et y compris d'ailleurs les forces panafricaines qui nous ont appuyés, parce que ce qui se passe au Togo, on dirait aujourd'hui que ça dépasse l'entendement. Exactement, ça dépasse l'entendement. On a vu la diaspora être mobilisée. Hein. Il y a quelqu'un qui le dit maintenant qu'il y a mobilisation, il faut passer à l'acte. Alors, à quel acte le CMDT veut passer, vraiment, Evie? Ben, vous savez, quand on regarde un peu ce qui se passe et les dernières évolutions au Togo, cette semaine, permettez-moi de dire tout de suite que on a l'impression que l'exécutif ne prend pas la portée ou ne voit pas la portée des enjeux. On a l'impression que l'exécutif n'a pas la claire conscience de ce qui se passe. D'accord. Parce que l'exécutif continue à faire comme si il balayait d'un revers de main toute cette grande mobilisation que le monde entier regarde et dit réellement il y a une ébullition au Togo depuis plus de 6 semaines et les gouvernants continuent à faire comme si ils pratiquaient la politique des trois singes. Ne rien entendre, ne rien voir, et se murer dans un silence assourdissant. Tout à fait. Et il me semble que quand on gouverne un pays, ce n'est pas le gouvernant qui dicte ce que le peuple doit faire, mais ils sont des simples exécutants de ce que le peuple leur a confié comme légitimité. Okay. Et il me semble que au Togo aujourd'hui, les exécutants, que sont les gouvernants, ils ont complètement inversé la pyramide, oubliant que c'est le peuple, c'est le mandat du peuple. Et quand on gouverne une ville, quand on gouverne un pays, on ne gouverne pas contre ses habitants. On gouverne pour ses habitants. Okay. Donc, quand on gouverne une ville, on gouverne pour le mieux, le bien-être, le mieux-être de ses habitants. Et il va de soi que pour un pays, c'est pareil. Quand on gouverne un pays, on le gouverne en écoutant, ayant l'écoute de ce que les habitants, les populations demandent, exigent. Et il me semble qu'il est grand temps que la démarche cavalière qui consiste à sortir des arguties, des décrets pour empêcher les desiderata du peuple, il me semble que cette démarche est plus que suicidaire. Exactement. C'est plus que suicidaire, Raymond Evi. Alors que l'opposition annonce de nouvelles manifestations les 18 et 19 octobre prochains et pour le retour à la constitution de 1992 et dire non à la CEDEAO pour un référendum, vous le savez comme nous, et le pouvoir togolais vient d'interdire les manifestations en semaine, Raymond Evi, que vous inspire cette interdiction et justement face à ces vagues de contestation du peuple togolais et sa volonté manifeste et sur le retour de la constitution de 1992, Raymond Evi? Merci, Amos. Je viens de le dire tantôt en disant que on doit avoir l'écoute des bruits de fond qui viennent de son peuple quand on est gouvernant donc d'une ville, d'un pays, etc. Et aujourd'hui, nous regardons cette décision un peu surréaliste. Elle est surréaliste à deux niveaux. Au premier niveau, d'abord, dans un climat d'ébullition tel qu'on on le vit au Togo, et en tant que gouvernant, il faut plutôt chercher à aller plutôt vers l'apaisement. L'apaisement en prenant des mesures idoines qui doivent aller vers l'apaisement et non tenter de jeter de l'huile sur le feu. Quand on essaye d'empêcher, alors qu'on ne répond pas aux attentes donc de ce que veulent les administrés, il va à un moment que de toute façon les administrés, ils vont braver cette interdiction. Ce n'est pas une pile une file d'intervention qui va faire en sorte que les administrés deviendront des exécutants, alors que ce sont les exécutants qu'on a mis au sommet de la pyramide de l'État qui doivent écouter les exigences de ceux qui sont les administrés. On ne peut pas faire l'inverse. Donc, ce qui ne peut nous étonner, c'est que il va de soi que cette interdiction ne pourra qu'être bravée, et ça va dans l'ordre des choses, semble-t-il. Rapidement, pour vous libérer depuis Paris, Raymond Ivy, je rappelle que vous êtes le coordinateur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Là, le vin est tiré, il faut le boire. On a interdit les manifestations, mais la diaspora veut continuer sa mobilisation, les manifestations ici, ce soir même, mais aujourd'hui même à Strasbourg. Les Togolais se sont encore regroupés. On va en parler tout de suite avec Gaëtan Baptiste Zoumaro, qui a participé à cette manifestation. Raymond Ivy, rapidement, quel est votre mot à l'endroit de la diaspora togolaise? Ben, vous savez, la diaspora togolaise ne cesse de nous questionner au jour le jour pour savoir quelles sont les perspectives, quelle est l'action qui doit suivre. Exactement. Je vous assure que de Washington, en passant par Ottawa, Montréal et Bremen et d'autres villes d'Europe comme Amsterdam, Bruxelles, les gens veulent savoir comment nous construisons donc la suite au jour le jour. Donc aujourd'hui, dans les semaines qui vont venir, vous allez voir que la mobilisation ne va pas faiblir. Tout à fait. On ne peut pas continuer à se dire que on veut construire une ville, on veut construire un pays, on veut construire l'avenir du Togo en se coupant, par exemple, de sa diaspora, et ou bien en se coupant donc du peuple togolais et en se disant qu'avec une minorité qui est d'ailleurs connue aussi aujourd'hui, la minorité pieuse, c'est pas moi qui le dis, cette minorité pieuse, on va pouvoir continuer de façon cavalière. D'accord. Et cette voie suicidaire vers le péril. Il faut arrêter ce train qui marche vers le péril. Et il faut dire qu'il y a péril en la demeure. Et ce péril en la demeure, il faut l'arrêter en faisant quoi? D'accord. En faisant simplement une parole, en adressant une parole. Le peuple togolais une parole de satisfaction. Et à partir de cette parole de satisfaction, l'apaisement va suivre. D'accord. La question référendaire n'est pas une réponse aux attentes. Elle est une mesure dilatoire de plus, parce que personne ne fait référendum dans un climat d'insurrection. Tout à fait. Et aujourd'hui, il est assez curieux que la seule parole qu'on envoie en direction du peuple, c'est qu'on fera un référendum. Et il me semble que il vaut mieux aujourd'hui que le régime Nyasimbe tire les leçons et que ils ne sont pas seuls à même de pouvoir diriger ce pays. Merci. Il faut passer à une transition démocratique. D'accord. Il faut passer à une transition démocratique, tirer les leçons, passer à une transition démocratique pour que, enfin, on puisse mettre le pays sur le rail. Merci. D'un vrai développement. Tout à fait. Celui qui prend en compte la libération des énergies des citoyennes et citoyens de ce pays pour aller vers un développement harmonieux pour tous. Merci. Pour toutes les filles et tous les fils de ce pays. Merci, je vous remercie pour ce canal que vous nous permettez d'avoir pour nous exprimer pour tout à fait. Ce pays. Merci à vous également, Raymond Ivy. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Paris. On vous retrouve très prochainement, dans quelques semaines, pour épiloguer sur la situation sociopolitique au Togo, puisque le CMDT a pour objectif démocratie et état de droit. Merci, Raymond Ivy. À très bientôt. Bonsoir, Raymond Ivy. Bonsoir, on retrouve tout de suite à Strasbourg, en France, Gaëtan Baptiste Zoumaro, secrétaire national à l'ANC à la diaspora. Et justement, l'ANC, Alliance nationale pour le changement, a soufflé 7 ans de bougie. Quelle perspective d'avenir de ce grand parti politique? On en parle tout de suite avec Gaëtan Baptiste Zoumaro depuis Strasbourg. Je le disais, Gaëtan, rebonsoir, Gaëtan. Oui, bonsoir, monsieur Amos. Bon, appelez-moi Amos, puisque c'est mon prénom. Alors, Gaëtan Baptiste Marou, vous êtes à Strasbourg, vous venez de participer à la grande manifestation appelée Paris, Hollande et un peu partout. On vous retrouve encore à Paris. Parlez-nous d'abord de cette mobilisation de ce samedi à Strasbourg. Oui, je suis encore, peut-être que vous l'entendrez en bruit de fond, sur le lieu de la manif. D'accord. Nous venons de terminer une grande manif à Strasbourg où j'ai retrouvé des compatriotes déterminés. Ça, c'est ce qu'on retient d'abord et avant tout de cette manif de Strasbourg. D'accord. C'est que les Togolais sont plus déterminés que jamais à obtenir l'alternance au pouvoir après 50 ans du régime Deng Nsimbé. D'accord. Et ça, ce message-là, ils nous l'ont adressé dans toutes les langues, je dirais. Et la deuxième chose que je retiens de cette manif de Strasbourg, c'est que les Togolais sont en train de comprendre que ce système Deng Nsimbé ne tient que parce qu'elle a des soutiens au sein de ce qu'on a convenu d'appeler désormais la France-Afrique. Et ces soutiens puissants, qui sont d'abord et avant tout basés ici en France, il faut quelque part qu'on s'adresse aussi à ces soutiens-là pour leur dire qu'ils se rendent complices d'un grave crime contre le peuple togolais. J'irai même plus loin. J'appellerai un chat en disant que le soutien principal de ce régime ici en France, on le connaît, c'est le groupe Bolloré. Et je dirais même plus, c'est Vincent Bolloré, le patron. Vous avez les preuves, et on l'a dit, hein, que c'est comme si le silence des multinationales ou bien. Ouais, voilà, allez-y. Oui, nous avons les preuves. Vous n'êtes pas sans savoir que le journal Mediapart, le très célèbre et très fameux journal Mediapart, vient de faire une analyse fouillée sur le système Nsimbé et vient de publier un article détaillant. D'accord. Les réseaux de ce système-là en France et au Togo. Donc, ce n'est pas une affirmation gratuite que je lance D'accord. comme ça en l'air. C'est une affirmation qui est basée sur un travail d'analyse journalistique d'un journal français qui, a priori, n'a aucune raison de faire ce genre d'affirmation vu qu'ils n'ont aucun intérêt sur le sol national. D'accord. Donc, je renvoie d'ailleurs à cet article de Mediapart qui nous dit que, qui est intitulé « L'opposition n'a plus que la rue ». Hein? Donc, voilà un peu ce que je suis, j'ai entendu ici à Strasbourg. Et voilà un peu le message que les compatriotes de Strasbourg veulent transmettre à leurs frères au Togo. D'accord, rapidement, maintenant parlons de 7 ans d'existence de l'ANC à l'Alliance nationale pour le changement et Gaëtan Baptiste Oumaro de l'UFC à l'ANC. Oui. La rue a été la vieille stratégie de l'opposition qui, et malheureusement, n'arrive pas à faire partir Faure Gnassingbé. Les contestations ont repris et cette fois-ci avec une nouvelle dynamique des compatriotes des localités du Nord à l'appel de Tipi Atadam du PNP. Alors, 7 ans de vie de l'ANC, Gaëtan Baptiste Oumaro, un bilan mitigé? Ah, au contraire. D'accord. Au contraire. On est plus que fiers du bilan des 7 ans de du labeur. D'accord. Je dirais qu'en 7 ans, nous avons labouré le champ. Nous avons parcouru le Togo du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons installé des structures partout. Nous avons préparé les masses. Et qu'ils vous en souviennent, si vous avez bonne mémoire, après la marche du PNP le 19, après la sanglante répression qui s'est abattue sur eux, Tipi Atadam lui-même, patron du PNP, s'est adressé, nous a lancé un message presque pathétique à son grand frère Jean-Pierre Fabre pour qu'il vienne en rescousse. Et nous avons obéi aux directives de Jean-Pierre Fabre qui nous a dit « Levez-vous, soutenez ce parti, levez-vous, défendez vos compatriotes qui sont maltraités, qui sont martyrisés par ce régime. » Et toutes les sections, toutes les fédérations, en un clin d'œil, se sont mis en ordre de bataille. C'est parce que pendant 7 ans, nous avons passé du temps à les préparer. C'est pour ça qu'en moins d'une semaine, un million de Togolais sont sortis dans les rues pour dire non, nous ne tolérerons pas que on fasse descendre la foudre sur nos compatriotes de Bafilo, de Sokodé, de Mango et autres. Voilà le résultat, les fruits de 7 ans de travail, de dur labeur que nous avons effectué. D'accord, effectivement, Jean-Pierre Fabre, président de ce parti, chef de file de l'opposition, a affirmé que son parti a perdu toute confiance à la communauté internationale. Et par ricochet, l'opposition en bloc refuse de rencontrer une délégation de l'IF, Organisation internationale de la francophonie. Alors certains observateurs estiment déjà que c'est une mauvaise stratégie. Que répondez-vous, Guétang Baptiste-Oumarou? Jean-Pierre Fabre n'a rien contre la communauté internationale. Jean-Pierre Fabre et nous-mêmes, nous avons passé notre temps à parcourir toutes les capitales européennes et internationales. À chaque fois, on nous a promis des choses. À chaque fois, ils n'ont jamais tenu parole. Et nous avons compris qu'il fallait que nous retournions plutôt à nos fondamentaux. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ANC est l'héritière directe du CUT, qui est le parti souverainiste indépendantiste fondé par Sylvanus Olympio. Et le CUT a toujours été un parti qui a compté d'abord et avant tout sur le peuple togolais. Alors nous sommes retournés auprès de notre peuple et nous comptons désormais d'abord et avant tout sur le peuple togolais. Et nous disons que la communauté internationale, toute aide de la communauté internationale est la bienvenue. Pourquoi nous refusons de rencontrer les délégués de l'OIF? C'est parce que l'OIF a eu le mauvais goût de nous envoyer des gens qu'il nous avait déjà envoyé et qui nous avait noyé. Madame Aïchatou Mindaoudou n'est pas nouvelle au Togo. Monsieur Ibn Sabas de l'ONU n'est pas aussi un inconnu au Togo. Ils ont déjà joué un rôle néfaste dans ce pays. Et nous disons, désormais, nous voulons bien discuter avec tout le monde, mais nous voulons discuter avec des gens qui sont de bonne foi, avec des gens qui sont sensibles aux revendications du peuple togolais. Et la revendication du peuple togolais, au fond, elle est simple. D'accord. Le peuple togolais ne veut plus du régime fort Gnassingbé. Ça, c'est la base de discussion. Nous sommes prêts à discuter des conditions du départ de ce régime, mais pas d'autre chose. D'accord. S'ils viennent pour qu'on discute autre chose que des conditions du départ du régime RPT Unir, des conditions de départ du pouvoir de M. Faure Gnassingbé, nous disons niet, non, nein et nay. Dans toutes les langues possibles, nous disons non. D'accord. Guétang Baptiste-Oumarou, malgré l'interdiction des manifestations en semaine et par le gouvernement, et la dynamique de l'opposition à travers un communiqué maintient les manifestations des 18 et 19 octobre prochains. Alors, Guétang Baptiste-Oumarou, doit-on s'attendre à de nouvelles répressions au Togo? Au fond, là, c'est une question qu'il faudra poser à Yark et à Sakli. Pourquoi alors? Nous savons que le peuple togolais a obtenu sa liberté de manifester de haute lutte dans les années 90. C'est dans le sang qu'on a arraché la liberté de presse, la liberté de parole, la liberté de se rassembler en parti politique et la liberté de manifester. Alors je ne comprends pas aujourd'hui que quelqu'un puisse se lever dans ce Togo-là pour restreindre ne serait-ce que d'un iota ou d'une once cette liberté de manifester. Ça, c'est une déclaration de guerre directe au peuple togolais que le régime en place est en train de proclamer. Et s'il s'entête à maintenir cette interdiction de manifester les jours ouvrables, cela veut dire qu'il cherche l'affrontement, et cela veut dire qu'il cherche l'affrontement en dehors de tout cadre légal. Nous ne nous plierons jamais aux injonctions du régime qui tend à restreindre les libertés que nous avons arrachées dans le sang. D'accord. On a assez souffert pour arracher ces libertés, et cette liberté-là nous est chère comme la prunelle de nos yeux. Tout à fait. Nous allons manifester, et ce n'est ni Boukwessi, ni Faure, ni qui que ce soit, ni Yark, qui va venir nous dire quand et où manifester sur notre propre territoire. D'accord. Nous manifestons, même ici en Europe, des jours ouvrables. Je ne vois pas pourquoi au Togo, notre propre pays, on nous interdirait de manifester les jours ouvrables. Nous maintenons notre appel à manifester et nous disons que c'est notre droit le plus absolu de manifester ces jours-là. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan Gbati Zoumaro, secrétaire national à l'ANC, à la diaspora. Est-ce que vous avez 30 secondes, est-ce que vous avez un mot spécifique à l'endroit de la diaspora très mobilisée ces temps-ci? Je remercie beaucoup la diaspora. J'encourage la diaspora à maintenir cette mobilisation. Je remercie du fond de cœur les Togolais de Strasbourg qui m'ont accueilli ici et qui ont fait de cette manif une manif mémorable, une manif où les messages ont été poignants, profonds. Et je dis, à chaque fois qu'au Togo, il y aura une manifestation, à chaque fois qu'au Togo, il y aura une mobilisation, nous, de la diaspora, nous serons de la partie. Et ça veut dire que j'encourage et j'invite toutes les communautés togolaises dans la diaspora, la semaine qui arrive là, suite aux manifestations du 18 et 19, je les invite tous à emboîter le pas des Togolais et à organiser les manifs partout où ils le peuvent. D'accord. Voilà le message que j'ai à adresser. C'est un message de combat, c'est un message de courage et c'est un message de détermination que j'adresse à la diaspora togolaise. Merci voilà, et bonsoir. Qui vous remercie. Merci, oui. Au revoir. Oui, bonsoir à vous. Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch et ses radios partenaires Radio Dédiguement et FM Liberté, toutes basées aux États-Unis. Je l'annonçais en introduction, entre autres invités comme la Pogli, secrétaire général du MOLTRA, Mouvement pour la Libération Togolaise Mouvement pour la libération totale et la restructuration de l'Afrique. Il est un panafricain, il est également porte-parole de la communauté togolaise en Suisse. Romain et Komlak Pogi, rebonsoir. Bonsoir Sylvain. Vous êtes invité dans cette émission. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici à Radio Canal K. De Lausanne ici, ça fait plus de 2 heures. Quand même, ça prouve combien de fois vous avez la conviction de voir le Togo changer, de voir l'Afrique émerger. Et le thème est important ce soir, c'est l'interdiction de cette manifestation qui ne faiblit pas au Togo. Votre réaction, Pogi? Alors, il faut dire simplement que cette interdiction est une mesure qui émane d'une autorité illégitime et massivement vomie par les masses populaires. Donc, c'est une interdiction qui n'est pas respectée, tout simplement. Ensuite, je dirais que cette interdiction traduit la peur, la fébrilité et aussi la radicalisation d'un pouvoir nu. Vous parlez de peur. Qui a peur alors? Par le pouvoir, il a peur du peuple. Parce que quand le peuple se met debout, quand le peuple se met à se mobiliser, ça fait toujours peur au tyran. Puisque le tyran n'a pas de légitimité populaire. Pendant longtemps, le tyran, il a maintenu le peuple par la peur, la corruption, la violence. Aujourd'hui, le peuple se lève. Eh ben, le tyran, il a peur, tout simplement. Vous pensez, il y a longtemps fort, Nassibé ne parle pas à son peuple. Vous pensez qu'il a peur? Ben bien sûr que cela traduit la peur. D'accord. Parce que aujourd'hui, le discours, enfin, le peuple togolais n'attend pas, de Fonia Singbe de lui parler. Le peuple attend de lui qu'il quitte le pouvoir. D'accord. Parce que ce pouvoir, il l'a capté dans le sang, dans la violence, et il s'est maintenu, par coup de fraude électorale répétée, par la violence, la corruption, la ruse et l'indifférence totale. D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le peuple togolais est debout et il ne va plus jamais se recoucher. D'accord. C'est terminé cette époque-là. D'accord. On va écouter avec vous et on va retrouver dans quelques minutes notre deuxième invité qui va nous accompagner dans ce débat et Afféry Johnson depuis les États-Unis. Par rapport à cette interdiction, Fonia Singbe avait dit le 14 février 2015, il avait parlé des manifestations, il avait dit que l'opposition avait le droit de manifester même si elle veut manifester tous les jours. On va l'écouter. On va l'écouter, on va continuer. Et je voudrais remercier la vaillante population de Dakosa et de toute la région de la Kana pour l'accueil qui nous est réservé à toute la délégation qui m'accompagne et à moi-même. Et profiter, puisque depuis le début de l'année. C'est la première fois que je me rends à Cara pour vous remercier des vœux que vous avez adressés et surtout pour vous souhaiter une bonne année 2015. Et ensuite, dire que cette année 2015 est une année importante pour notre pays. Et vous savez, le rendez-vous politique qui nous attend dans quelques mois, pour ne pas dire dans quelques semaines. Et rappeler ici que le Togo a fait le choix du pluralisme politique. Dans notre pays, il y a une majorité, une opposition, et c'est le peuple togolais, par ses choix, qui départage les partis politiques. Et dire que quand nous venons à des manifestations comme celle-ci, nous venons en tant que président de tous les Togolais. Nous ne venons pas en tant que responsable de partis politiques. C'est le président des Togolais qui est ici ce matin, c'est le gouvernement du Togo qui est ici. Et on n'est pas président d'une partie du pays et opposant d'une autre partie. Et je tiens à ce que l'opposition, les responsables d'opposition soient respectés. Le droit de manifester est reconnu par notre constitution. Il faut simplement respecter la loi quand on manifeste. Donc l'opposition, si elle veut manifester tous les jours pacifiquement, je l'y invite. Et c'est le peuple qui, dans quelques mois, quand les candidats se présenteront devant lui, le jour venu, il va départager les candidats à cette élection présidentielle. Donc je ne veux plus que dans les manifestations comme celle-ci, les responsables de l'opposition soient vilipendés. Je ne l'accepterai pas. Et voilà, et là, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de vous. C'est Fonia Singbi qui parle au peuple togolais. Si l'opposition veut marcher, elle peut marcher tous les jours selon la Constitution. Vous l'avez écouté, votre réaction. Exact. Ah, tout à fait. Il faut dire que la parole du tyran ne vaut rien quand le peuple se met dans un état d'insurrection, de révolution. Donc, ça, Fonia Singbi, il peut pérorer, il peut dire tout ce qu'il veut. Le peuple togolais aujourd'hui réclame son pouvoir à la suite de son père, il a capté, tout simplement. Alors, je voulais revenir sur un fait, sur un aspect de parce qu'on parle justement de la question des manifestations qui sont interdites. Il faut revoir tout simplement la constitution du Togo. Hein, la constitution du Togo garantit la liberté de manifester. Tout à fait. Une loi, la loi du 16 mai 2011 portant sur les manifestations publiques n'interdit pas justement de manifester en semaine. La loi ne fait pas de distinction entre manifester la semaine ou le week-end. Et là, on assiste, même Fonia Singbi l'a dit. Voilà. Si l'opposition veut manifester, elle peut manifester tous les jours. Maintenant, on interdit les manifestations. Encore une fois, ce n'est pas à Fonia Singbi de décréter ce que il le peuple doit faire. Il ne respecte pas alors ses paroles. Alors. Oui, mais ça n'engage que lui. Nous savons tout simplement que le peuple aujourd'hui est dans un état d'insurrection et de révolution légitime. Et donc, sa parole n'engage que lui. Mais tout simplement, ce que nous disons, c'est que on ne fait pas du légalisme avec le tyran. On ne fait pas du constitutionnalisme avec une monarchie dynastique de type colonial. On combat tout simplement ce régime-là et on outrepasse, on laisse ce régime dans sa logique d'interdiction, de privation, de brimade et on essaie tout simplement de renforcer la capacité insurrectionnelle de notre peuple. C'est tout ce qui nous intéresse. Tout le reste n'est que discours. Fonia Singbi et ses zouaves peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le peuple togolais est debout. On va pas les appeler les zouaves quand même. C'est la cour, c'est la cour du roi. Les deux ministres, Yark et Boupessi, qui sont à la manœuvre, ces gens-là, il va arriver un moment où ces gens-là seront complètement mis sur la touche et seront, ils répondront des faits dont ils sont responsables aujourd'hui. D'accord. C'est le mouvement de l'histoire. Ces gens ne peuvent pas s'inscrire hein, contre l'histoire. Les lois de l'histoire sont très claires. D'accord. Quand il y a une tyrannie qui s'impose de cette façon-là, à un moment donné, le peuple se lève et le peuple réclame tout simplement son pouvoir. Exactement. Et ces gens-là, ils peuvent aujourd'hui considérer qu'ils sont forts, mais il va y arriver, il va arriver un moment où le peuple togolais reprendra le dessus. C'est la marche de l'histoire. D'accord. On va voir ce que pense également notre deuxième invité qui n'est autre que Afeni Johnson. Il est un activiste politique. Il anime sur son blog beaucoup de réflexions sur le plan panafricain. C'est un combattant, un grand combattant qu'on connaît depuis fort longtemps. Afeni Johnson, bonsoir ou bonjour depuis les États-Unis. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Canal K, bonsoir Monsieur Pougri. Voilà. D'accord. Voilà. Au début, je n'ai pas bien présenté Monsieur Pougri. Comment Pougri? Il est secrétaire général du MOLDRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Donc, on parle aussi de l'Afrique du Togo. Il est également porte-parole de la communauté togolaise en Suisse. Eh bien, Afeni Johnson, on parle de l'interdiction. Vous venez tout à l'heure d'écouter Faure Gnassingbé, qui disait, le 14 février 2015, si je ne me trompe, il disait, si l'opposition veut manifester tous les jours, l'opposition a le droit. Il faut seulement que l'opposition respecte la Constitution. Quelle est votre réaction? Les manifestations en semaine sont interdites maintenant au Togo. Votre réaction, Afeni Johnson? Oh oui, Sylvain Amos, chers auditeurs de Canal K, avant de réagir par rapport à cette interdiction des manifestations, je voudrais juste faire un coucou à la Constitution de 92. Ça fait aujourd'hui 25 ans exactement qu'elle a été promulguée. Juste dire joyeux anniversaire à cette Constitution. Bon, voilà. Maintenant, venons-en au fait. En fait, cette interdiction de manifester, c'est juste un prétexte. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage, dit-on. Et ça n'a rien à voir avec les jours ouvrables. Parce que, non seulement ils ont interdit les manifestations, le maire de la ville de Lomé, Fogan Adeyong, qui n'est autre que le petit ami de la maire de Faure Gnassingbé, vient d'interdire un concert gratuit qui doit se dérouler à la plage un dimanche, qui n'est pas un jour ouvrable. Donc, l'interdiction de manifestation de l'opposition, c'est juste un signe de fébrilité et de panique à bord de la minorité pieuse qui gouverne le Togo. C'est aussi un signe de mépris et une marque, un grand manque de respect pour le peuple togolais. Enfin, c'est une caractéristique fondamentale de toute dictature. Quand la loi nous arrange, on l'applique. Dans le cas contraire, on l'ignore ou on la manipule dans notre intérêt. Donc voilà ce que je pense de ces interdictions de manifester par Monsieur Yark et Boupessi. Merci. Avant de relancer Komlak Pogli qui est au studio avec nous, vous êtes nombreux, auditeurs du Tris, à nous laisser vos réactions sur notre messagerie WhatsApp, mais on a sélectionné au moins deux ou trois réactions. Tout de suite, on va écouter la réaction de Sidonie depuis Genève. Bonjour, cher Sylvain. C'est Sidonie Essay depuis Genève. Je pense que le peuple a le droit de décider et de choisir qui il veut. De nos jours, la loi, elle est au peuple. C'est le peuple qui décide. En fait, on est face à un gouvernement qui respecte rien. Donc, ils sont illégitimes, très illégitimes. Donc, en ce moment, je pense que on n'a pas droit à donner parole ou à céder à aucune pression du gouvernement. Parce que ce gouvernement nous opprime, ça fait des années. Et maintenant, c'est le peuple de décider et de ne pas se laisser faire par des dirigeants usurpateurs. Donc voilà. Et merci de me recevoir et faites partager ce message et dire que le pouvoir est au peuple. C'est au peuple de décider maintenant. Comme ça se fait dans tout le monde entier. Merci, bonne journée. Et là, c'est la réaction de Sidonie, une jeune combattante ici même en Suisse. Usurpateur, pouvoir illégitime, le mot n'est pas fort, Rodrigue. On est dans une logique de révolution. Donc, les prescriptions, les édits, les normes édictées par le pouvoir qui est contesté ne sont pas respectées, tout simplement. C'est tout. Il faut même pas perdre notre énergie autour de cette question. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de c'est de donner la capacité ou de renforcer la capacité opérationnelle et insurrectionnelle de notre peuple. C'est tout. C'est-à-dire que tout ce que Fonia Singbe et sa cour sont en train de faire ne nous intéresse pas du tout. Aujourd'hui, le peuple togolais est en train de revendiquer tout simplement son pouvoir qui est son droit le plus absolu. C'est tout. Voilà. Donc, toutes les interdictions, il peut prendre toutes les mesures, tout ce qu'ils veulent, ça ne nous intéresse pas. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que le peuple n'est pas prêt à obéir à un tyran. C'est tout. Vous le, voilà. Vous le pensez tout. Vraiment parce que quand il y a des gaz lacrymogènes, et un peu partout là, des militaires en ville, le peuple a peur. Oui, c'est parce que les gens sont plus c'est mobilisés. Vrai, c'est vrai. C'est que pour le moment, le peuple n'a pas, on n'a pas encore fait, on n'a pas le travail hein, pré-révolutionnaire, pré-révolutionnaire n'est pas totalement accompli. Là, on est en train de monter en échelle. Je pense qu'il va arriver un moment où le peuple. Déjà, on le voit, hein, le peuple on affronte. On tue à bout portant au dos, mais la population continue de manifester. C'est parce que là, le ras-le-bol est tel que, aujourd'hui, le peuple n'est plus prêt. Hein, de toutes les façons, les gens meurent déjà. Hein. Les gens meurent, la mort est une réalité quotidienne sous la tyrannie des Nyasimbe, père et fils. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux une fin effroyable à un effroi sans fin. C'est tout. Et le peuple togolais est engagé aujourd'hui à aller jusqu'au bout. Peu importe les interdictions, peu importe les menaces, peu importe la répression, je pense que la lutte du peuple hein, est éternelle et la victoire appartient au peuple. Toutes les tyrannies, à un moment donné de leur vie, ont été amenées à se confronter à cette réalité-là. C'est une réalité historique. Elle est humaine. La dictature togolaise ne va pas survivre au peuple togolais. Voilà, le peuple est éternel, alors que le régime politique est éphémère. C'est ça que ces gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit de notre devoir d'essayer de raisonner la tyrannie. On ne raisonne pas la tyrannie. On fait quoi avec la tyrannie? On n'obéit pas à la tyrannie, on lui désobéit, on la combat. On la combat, c'est tout. De quelle manière? Ça va prendre du temps, le sang va couler. Mais persistez que le sang va couler. Oui, bien sûr, parce que le tyran ne va pas se laisser abattre comme ça, et il le montre déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore une fois une loi de l'histoire. Ces gens-là ne comprennent pas que à un moment donné, quand le peuple se met debout, rien ne peut l'arrêter, aucune interdiction ne peut l'empêcher de continuer sa marche. C'est clair, c'est clair, et ça va prendre tout le temps que ça va prendre. Si nous n'arrivons pas à faire chuter ce régime et à reconstruire notre pays, nos enfants vont le faire. C'est clair et net. Ce régime ne va pas survivre au peuple togolais. C'est la marque de l'histoire. Là, il y a des Togolais qui vont vous dire que vous parlez que pour parler parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Voilà, vous demandez aux gens d'affronter la tyrannie qui tient à bout portant sur les manifestations. Alors, encore une fois, le peuple togolais est debout. Tout ce que les gens peuvent dire de la diaspora ou des gens qui sont à l'étranger, bon, ce ne sont que des raconteurs de café de commerce. Ce qui nous intéresse, c'est que notre peuple est debout, nous avec. Nous sommes des Togolais à l'étranger, nous souffrons, hein, le martyr. Nous voyons notre pays souffrir, ben, on n'arrive pas à dormir, nous aussi. Donc, à un moment donné, il faut aider notre peuple à renforcer sa capacité, sa capacité révolutionnaire pour qu'il puisse aller tout simplement prendre le pouvoir qui est sa propriété. Ça fait déjà trois fois que ce mot revient, révolution. Rodrigue Pogli, on va marquer une pause, le temps de retrouver également depuis Lomé, Maître Pandé Adjaré du mouvement Front Citoyen qui va aussi réagir par rapport à cette interdiction. Nous marquons une pause. Thank you. Et là, vous écoutez à volonté de la tisse togolais déterminée, Sol Issiré. Merci de nous être fidèles. Dans l'émission Fenêtre de l'Afrique sur nos radios partenaires FM Liberté Radio Denibon. À volonté, à volonté. Radio Denibon, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, suite à l'annonce de l'interdiction des manifestations en semaine par le gouvernement togolais, des réactions se font également au sein de la société civile togolaise. À cet effet, nous recevons tout de suite Maître Raphaël Kwandé Adjaré, qui est le deuxième rapporteur du mouvement Front Citoyen Togo Debout. Bonsoir, Raphaël Kwandé Adjaré. Bonsoir, Monsieur Amos. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Eh bien, Maître Raphaël Kwandé Adjaré, comment réagissez-vous à l'interdiction des manifestations des jours ouvrables par le ministre de l'Administration territoriale et le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé? En tout cas, il faut quand même aussi préciser à nos auditeurs que le contre-amiral Fogan Dénion a interdit un concert organisé par votre mouvement Front Citoyen Togo Debout, et ce concert, normalement, devrait se tenir demain dimanche à Lomé. Oui, mais c'est des comportements tout à fait arbitraires. Notre pays, on dit que nous sommes une république, mais nous gouvernons notre pays avec les règles de la dictature, avec les règles de la monarchie. C'est inadmissible. On ne peut pas s'amuser avec le destin de tout un peuple. Ce n'est pas normal. C'est illégal. C'est anticonstitutionnel. Nous ne savons pas comment qualifier ces comportements. D'abord du ministre de l'administration territoriale et du ministre de la sécurité, et ensuite du maire de la ville de Lomé. Vous savez, les libertés constitutionnelles ont été acquises de haute lutte. La liberté de manifestation est une liberté universelle. Elle est liée à la nature de l'être humain. C'est une liberté démocratique. Et on ne peut pas, par un simple communiqué, on ne peut pas, par une simple conférence de presse, venir à bout des règles qui ont une valeur universelle, des règles qui ont une valeur constitutionnelle. C'est inadmissible. Ce n'est pas normal. La loi dit que pour interdire une manifestation, il faut le faire au cas par cas. On ne peut pas élever des interdictions à caractère général, permanente et absolu. C'est tout à fait anticonstitutionnel, antidémocratique. D'accord. Et donc on veut tout simplement prendre le peuple en otage. Tout d'abord, nous avons vu les ministres venir. Nous les avons vus à la veille de la sortie, leur sortie à la veille des manifestations du PNP. On les a vus quand ils ont fait une conférence de presse pour dire qu'il faut manifester seulement, pas en semaine, mais en week-end. Mais maintenant, ils ont franchi le cap du Rubicon. C'est de l'intimidation. Mais ce que je dis, le peuple ne peut pas accepter que ces droits chèrement acquis puissent aujourd'hui faire l'objet d'un jeu, puisse aujourd'hui être confisqué par deux ministres, futurs membres du gouvernement. Maître Raphaël Kwandé Adjaré, donc ça veut dire que demain dimanche, le conseil ne se tiendra plus alors? Effectivement, nous le prenons à notre dépens. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons réintroduire une nouvelle demande pour manifester. Parce que le président de la délégation spéciale nous dit qu'ils ont eu des informations faisant état d'un trouble à l'ordre public. Mais il faut que le président de la délégation spéciale puisse nous inviter et partager ces informations avec nous. Tout à fait. Il ne peut pas de chef, prendre une décision et nous informer. De toutes les manières, les formes et les délais dans lesquels cette décision a été prise, ces formes ne respectent pas la loi. La loi dit qu'il faut prendre une interdiction, si on veut interdire une manifestation, il faut le faire d'abord par une décision. Le maire doit donc prendre un arrêté et ensuite le faire 72 heures avant la manifestation. D'accord. Dans le cas pareil, ce n'est pas le cas. On nous notifie à la veille d'une manifestation qu'on interdit la manifestation et par simple lettre. Quelle est la valeur juridique d'une lettre? La lettre n'a aucune valeur juridique face à une loi. Donc vous comprenez tout simplement que c'est la confiscation des libertés. Et c'est l'arbitraire qui se réinstalle. Et c'est dommage. J'ai discuté personnellement avec le président de la délégation spéciale hier et il me fait comprendre que lui, il est militaire. Il ne fait pas le droit. Vous comprenez comment quelqu'un peut dire qu'il est militaire, il ne fait pas le droit et il préside une mairie, une délégation spéciale. C'est dommage pour notre pays. Je pense que ces messieurs, ils sont dépositaires des pouvoirs publics, mais ils ne savent pas comment ils exercent leurs pouvoirs publics. D'accord. Ils n'ont pas leur place là-bas. Mais cette fois-ci, je crois qu'ils ont franchi le seuil du Rubicon. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons toujours continuer de manière légale et pacifique. D'accord. À réclamer et exercer nos droits. Maître Raphaël Kouandiadjaré, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous êtes le deuxième rapporteur du mouvement Front Citoyen Togo Debout, un mouvement, un front qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux il y a quelques jours à Lomé au Togo. Eh bien, Maître Raphaël Kouandiadjaré, trois de vos collègues de la société civile Africa Rising, de trois pays d'Afrique venus au Togo pour soutenir la société civile togolaise, ont été interpellés par la police la nuit du jeudi dernier à vendredi dans un hôtel où ils étaient logés. Alors rappelons également ici que leurs ordinateurs et téléphones portables ont été confisqués par la police pour analyse. Maître Raphaël Kouandiadjaré, quel commentaire faites-vous là-dessus ou que comprendre de cette situation? Comment pouvons-nous le comprendre? Mais je voudrais vous rappeler, Amos, que notre manifestation d'abord pour le mouvement citoyen Togo Debout, c'était pour une prière écuménique et un concert. Comment on peut penser que des prêtres, des imams, des pasteurs et des chanteurs, des artistes qui viendront chanter vont troubler l'ordre public? Et où encore? À la plage. Et c'est suite à une discussion avec le ministre de l'administration territoriale, c'est lui-même qui nous a indiqué la plage. Nous avons opté à aller à son indication. Et aujourd'hui, on nous parle d'un trouble à l'ordre public. L'interpellation des camarades de Africa Rising, de l'ONG Africa Rising, mais ça voudrait tout simplement dire l'image de notre pays. Des gens sont venus, ils ont fait des activités et on soupçonne, mais on est allé nuitamment forcer la porte de leurs hôtels, de leurs chambres à l'hôtel pour les interpeller. Mais où est l'urgence? C'est un complot? Mais je crois quand même que ça traduit tout simplement ce que ce pays est. On nous dit que le Togo est une république, est une démocratie, mais nous sommes une dictature. On gouverne ce pays avec les règles de la dictature. Et je pense tout simplement que ce n'est pas normal. On les amène à la DPJ, on confisque leur ordinateur, on fouille leur ordinateur en dehors de leur présence, hors leur présence. Mais ça doit se faire de manière contradictoire. Nous avons appelé le président, le directeur de la DPJ, nous avons informé le consul du Burkina Faso et l'ambassadeur du Sénégal. Je crois que nous sommes à pied d'œuvre et ils ont été quand même libérés, seulement que leur passeport et leur ordinateur ont été encore confisqués. Mais nous œuvrons toujours pour que nos camarades qui sont venus nous montrer leur solidarité soient libérés. Mais je vous dis, monsieur le journaliste, que le combat ne fait que continuer. Et je pense que le peuple togolais n'est pas prêt à aliéner sa liberté, à aliéner ses droits, parce que c'est des droits inaliénables, des droits universels, des droits démocratiques qui ont été chèrement acquis. Et des gens sont tombés dans la lutte pour la conquête des libertés. Et le peuple togolais ne se laissera pas faire. Rapidement, une dernière question. Maître Raphaël Kouandiadjaré, l'Assemblée nationale a procédé dans ce contexte de bras de fer entre l'opposition et le pouvoir. Et donc, l'Assemblée nationale a procédé à l'élection de 12 des 17 membres de la CENI. On note l'entrée de Obu et de Net. Quelle est votre analyse sur le sujet? Oui, mon analyse par rapport à ce geste, je dirais tout simplement pour les partis qui se disent partis de l'opposition, qui sont rentrés au sein de la CENI, c'est tout simplement dommage. Mais nous pensons que on ne peut pas organiser un référendum dans ces conditions. On va au référendum avec quel cour constitutionnel, avec quel CENI, avec quel cadre électoral, mais aussi avec quel fichier électoral. Parce que l'OIF, qui est venu en 2015, avant la présidentielle, a dit que le fichier électoral n'est pas fiable. Mais le fichier électoral, depuis, n'a pas fait l'objet d'études et d'examens. On va aller aux élections avec quel fichier? Nous pensons tout simplement que c'est un coup de force que le gouvernement veut tenter, mais nous pensons aussi que le peuple togolais est bien avisé et il ne peut pas accepter cela. Vous savez comment les gens sont sortis dans les rues, à Lobé, jusqu'à Saint-Café. Vous savez comment la diaspora manifeste aux États-Unis, à New York, à Paris, en Allemagne, des milliers de citoyens. Mais en Afrique de l'Ouest, vous voyez un peu toute la solidarité que le peuple manifeste au peuple togolais. Et je pense que tout ce lever de bouclier fera en sorte que le gouvernement puisse entendre raison et renvoyer les députés à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, pour une nouvelle lecture de la loi portant modification de la Constitution de 1992. Le peuple ne demande pas beaucoup. Il demande tout simplement qu'on retourne à la Constitution de 1992 et maintenant, s'il y a des conséquences, je crois que ces conséquences feront l'objet d'un accord politique. Tout à fait. Et telle est la position du mouvement citoyen Togo Debout. D'accord. 30 secondes, vous venez de le dire, la mobilisation ne faiblit pas. Et aujourd'hui même, à Strasbourg, la diaspora s'est encore réunie pour réclamer ce que réclame également le peuple souverain au Togo. Votre mot à l'endroit de la diaspora togolaise, vous êtes le deuxième porte-parole du mouvement Fonds citoyen Togo Debout, Maître Ravaël Kandiadjaré. À l'endroit de la diaspora togolaise, je voudrais féliciter la mobilisation de la diaspora. Je voudrais féliciter tout ce que la diaspora fait pour être solidaire à leurs compatriotes du Togo. Ils sont des Togolais, ils doivent s'associer à la misère commune des Togolais. Ils le font déjà, ils n'ont qu'à continuer à taper la porte de la communauté internationale, des Nations Unies, de l'Union Européenne. C'est vrai, la lutte appartient aux Togolais, mais les dirigeants togolais n'ont pas peur des Togolais. Ils ont beaucoup plus peur, c'est vrai, de la rue, mais aussi de la pression de la communauté internationale. La lutte ne faiblit pas à l'intérieur. La diaspora ne doit pas baisser les bras. Elle doit relayer la lutte à l'intérieur du pays. Et je pense que, en coordonnant les deux forces, nous parviendrons à bout de cette dictature qui n'a trop que duré. 50 ans, c'est trop. Le Togo n'est pas une monarchie. Le Togo, c'est une république. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Et nous sommes en train de revendiquer l'application des règles de la république. En tout cas, merci beaucoup, Maître Raphaël Kandiadjaré. Je rappelle que vous êtes deuxième rapporteur du mouvement Fonds citoyen Togo Debout. Merci et bonsoir. Bonsoir et je vous remercie. Je salue encore tous vos auditeurs et toutes vos auditrices. Une fois encore, merci et bien de choses à tous les membres de la diaspora. Radio aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité sur le 3xw.canalk.ch. Eh bien, pour clôturer sur cette question d'interdiction, nous allons écouter également le professeur Nabuja Bouraïma depuis Mango, qui nous a aussi laissé sa réaction sur notre message. Raphaël Wazaradianja. Nous allons l'écouter. Oui, monsieur Amos, je tiens à d'abord vous dire merci pour cette sensibilité que vous avez par rapport à l'actualité togolaise. Oui, bien sûr, ça vous concerne aussi parce que étant togolais. Mais je voulais passer par votre chaîne pour vous dire que le régime en place n'a jamais voulu de manifestation au Togo. Depuis le 19 août 2017, que les manifestations ont commencé pour revendiquer le retour de la constitution originaire de 92, les contre-vents et marées, ils ont toujours tenté maintenant de s'imposer. Mais ils sont illégitimes aujourd'hui. Ils ont fait des manifestations, UNIR EPT a fait des manifestations ici, les jours ouvrables. Donc ils n'ont pas de leçons à donner au peuple togolais. Vous savez, la souveraineté d'un peuple va au-delà des simples lois que les individus eux-mêmes au pouvoir durant 50 ans violent nuit et jour. Les lois opportunistes qu'ils tentent d'appliquer, d'imposer, ça n'a plus sa raison d'être. Notre détermination, le peuple togolais n'est plus prêt à céder. Le peuple est souverain. La volonté populaire va au-delà des simples décisions des individus qui n'ont aucun respect pour les lois de cette constitution. Vous savez, la constitution togolaise reconnaît le droit de manifestation. Et nos manifestations sont légitimes et légales. Nous sommes également dans ce qu'on appelle un régime d'information et non d'autorisation. C'est ce qu'on a appelé entre-temps la loi Bojolan. Et cette loi est toujours en vigueur. Donc aujourd'hui, nous sommes à une phase de non-retour. La CDAO, l'Union africaine, leurs décisions, ce sont des décisions partisanes et ça ne peut pas arrêter cette flamme pour l'alternance, cette flamme pour le retour de la Constitution de 92. On savait, si la CDAO vivait ce que les Togolais ont vécu durant 50 ans, ils n'allaient plus nous demander de se taire. Si l'Union africaine savait ce que les sacrifices que les Togolais ont dû endurer depuis 50 ans, surtout à partir de 90, date à laquelle les Togolais se sont levés pour réclamer la démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, les sacrifices, les larmes, le sang humain, ils n'en ont plus nous demandé de se taire. Mais je tiens à leur dire qu'ils sont dans leurs droits. La communauté internationale ne peut jouer qu'à l'apaisement. Nos manifestations ne sont pas violentes. C'est le régime en place qui tente de déplacer le débat en leur accordant des connotations ethniques, religieuses, ce qui n'est qu'un faux problème. Aujourd'hui, notre lutte n'est pas adressée contre une ethnie, n'est pas adressée contre une religion. C'est des Togolais, de Lomé à Sékassé, qui demandent l'application directe et sans condition de la Constitution de 92 qui a été votée à plus de 98%. Le peuple togolais ne va plus négocier sa liberté. Regardez ce qui se passe à Mango. Les gens sont traumatisés à Bafino, à Sokolé. Bref, partout, les gens se mettent debout. C'est la terreur. Quel peuple peut continuer éternellement à supporter ces gens d'un torse contre la liberté humaine? S'il vous plaît, je tiens à vous dire une fois que les Togolais ne sont plus prêts à baisser les bras. Je vous remercie. Eh bien, les Togolais ne sont plus prêts à baisser les bras. Nous sommes dans cette émission Trinité de l'Afrique. Nos invités, Komlan Pogli, secrétaire général du MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Il est également porte-parole de la communauté togolaise ici en Suisse. En ligne depuis les États-Unis, nous avons également Aferi Johnson qui nous accompagne. Eh bien, Komlan Rodrigue Pogli, et vous avez écouté tout à l'heure Nabuja qui dit « Le peuple togolais ne baisse pas les bras ». Et face à cette situation, face à cette crise, que comprendre alors de l'annonce et de l'arrivée prochaine des cinq chefs d'État de la sous-région ouest-africaine pour tenter de régler la crise, Rodrigue Pogli? Cela, pour moi, s'appelle tout simplement logique de système. C'est-à-dire? Ça veut dire simplement que lorsque dans un système, un membre est en difficulté, les autres maillons, lui prête assistance et secours. Là, vous voulez dire que il y a entre guillemets un syndicat de chefs d'État qui vient au secours de Fonassiné. Bien sûr que nous le savons. C'est-à-dire donc, ils sont pas venus pour l'intérêt du peuple togolais. Mais non. L'ordonnancement du monde. Vous n'êtes pas trop pressé là. Non. L'ordonnancement du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est que les chefs d'État, ce qu'on appelle les chefs d'État, encore qu'en Afrique, il n'y a même pas d'État, pour en parler de chefs, ce sont des continuités, ce sont des gens qui continuent le gouvernorat colonial. Ces gens-là se soutiennent entre eux parce leur pouvoir ne repose pas sur la légitimité démocratique. Le peuple n'est pas, l'institution qui leur a dévolu le pouvoir. Leur pouvoir vient souvent de l'adoubement, de la puissance coloniale. Donc, ces gens-là, constitue un syndicat qui défend les intérêts de l'un et de l'autre. D'accord. Lorsque ils se retrouvent en difficulté en face de leur peuple. D'accord. Donc c'est la logique du système et pour ça il faut même pas. Moi je dis simplement que nous n'avons pas le temps aujourd'hui à consacrer à ce type de discussion que des syndicalistes dictatoriaux arrivent pour soutenir un des leurs au Togo, ça c'est un fait, on doit le constater. Mais simplement, ce qui nous intéresse, ils sont pas encore là. Hein. Oui, mais ils vont venir. Vous les jugez d'avance. On sait qu'ils soutiennent Fonia Singbe, c'est clair, c'est la logique du système. Donc, ce qui convient de faire aujourd'hui, c'est simplement de ne pas focaliser l'énergie du peuple sur ce type de sujet. Ce qui nous intéresse, c'est de renforcer encore une fois la capacité opérationnelle, insurrectionnelle et révolutionnaire de notre peuple. C'est ça le devoir qui nous attend. D'accord. On va voir ce que pense également Aferi Johnson depuis les États-Unis. Aferi Johnson, on annonce 5 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine pour tenter de régler et la crise togolaise. Est-ce que vous y croyez que ces assises-là pourraient être menées dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise? avec les Johnson. Oui, Sylvain Amos, auditeur de Canal K. Cinq chefs d'État sollicités par le secrétaire général de l'ONU pour venir au secours du peuple togolais, c'est tout à fait normal. Ils viennent au secours d'un peuple frère, un peuple voisin, un peuple ami. Et moi, je pars de deux petites observations. Bon, tous ces chefs d'État sont issus d'une alternance dans leur pays respectif. Dans leur pays, le mandat est limité à deux, les élections sont à deux tours. Très simple. Bon, voilà, le contraste pour moi, c'est tous les chefs d'État de la CEDEAO. Et nous nous rappelons que la CEDEAO a pondu un communiqué ou a signé un communiqué qui demande au régime d'organiser un référendum. Donc voilà déjà un contraste. Donc pour moi, la question que je me pose, c'est celle-ci. Est-ce que ces cinq chefs d'État vont arriver à Lomé pour demander au peuple togolais de prendre ou d'accepter moins que ce que leurs peuples respectifs ont? Ça, c'est la question. S'ils arrivent au Togo et qu'ils manifestent ou ils expriment ce désir de pousser le peuple togolais à accepter moins que ce qu'ils servent eux-mêmes à leur population, nous leur dirons tout simplement merci, nous leur dirons non, et nous continuerons notre révolution. C'est tout simple, vraiment simple pour moi. Donc, Afele Johnson, comme là, Rodrigue Pogli parle de révolution, vous aussi vous parlez de révolution. Comment Rodrigue Pogli, j'ai envie de vous poser la question, il y a aussi l'opposant Nicolas Lawson qui parle souvent de révolution. Le Togo est prêt pour une révolution? Alors, chaque peuple, à un moment donné de son histoire, de son parcours historique, décide de s'assumer ou de ne pas s'assumer. Je pense que le peuple togolais essaye depuis de longues années de se montrer capable de s'assumer, mais la réalité est que nous avons en face de nous un pouvoir qui utilise massivement la violence. Et c'est cette violence-là qui empêche le peuple de s'exprimer jusqu'au bout. Mais maintenant, et c'est tout l'intérêt de la phase historique actuelle, maintenant le peuple doit, ou bien nous qui sommes les faiseurs d'opinion, nous qui voulons être des leaders pour ce peuple-là, nous devons essayer de renforcer la capacité de résistance, de mobilisation, d'organisation, de structuration, de la marche révolutionnaire de notre peuple. C'est ça qui est le défi. Il y a un auditeur qui nous parle sur Facebook, disait, il faut qu'on s'organise chaque quartier par quartier, chaque famille par famille, des amis entre vous, des villages entre vous, comme voilà, ce n'est pas pour faire de la publicité à Tchipi, à Tchada, mais il disait, voilà, entre les thèmes, il faut beaucoup parler, il parle beaucoup aux thèmes, il faut que les Mina le font, il faut que les Wati le font, il faut que les Angolans le font. Je ne pense pas que ce soit, le problème ne se pose pas en ces thèmes-là, on ne doit pas parler aux populations, à notre peuple par quartier, c'est pas par affinité ethnique qu'on doit raisonner. Il faut raisonner global, la révolution est une donnée global. Non, mais il pensait par une stratégie d'aller de petits coups, par petits groupes, ça pourrait, à la fin. Disons que, en termes de stratégie et de tactique, il faut, ça, c'est pas des choses qu'on peut énumérer ici, mais je pense qu'il y a des voies et moyens pour renforcer la capacité insurrectionnelle, révolutionnaire, organisationnelle de notre peuple. D'accord. Et ces voies-là existent. Maintenant, reste à savoir si nous sommes capables de coordonner nos efforts pour pouvoir effectivement pousser le peuple à la fois à structurer le mouvement, à s'organiser, à résister à la violence, parce que le défi majeur d'une révolution, c'est la capacité des masses populaires à résister à la violence. Et une fois que on résiste à la violence, c'est fini. D'accord. C'est parce que c'est le dernier, la violence est le dernier refuge de la tyrannie. D'accord. Voilà. Et avec Johnson, je vous relance sur cette question également, l'opposition qui refuse de rencontrer l'OIF. Donc Jean-Pierre Fabre l'a dit, qui ne fait plus confiance à la communauté internationale. Mais cette fois-ci, c'est l'opposition, la dynamique de l'opposition, y compris le PNP, qui refuse de rencontrer l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Erreur stratégique ou pure détermination à en découdre avec le pouvoir en place, pas la rue. Avec Johnson. Oui, Sylvain, je crois qu'il faut quand même faire la nuance entre refusait de rencontrer l'OIF et refusait de rencontrer la délégation de l'OIF. D'accord. Je ne crois pas que l'opposition togolaise ait refusé de rencontrer l'OIF comme organisation, mais plutôt sa délégation de par sa composition. L'ex-ministre des Affaires étrangères du Niger, Madame Mindaoudou, elle a laissé des impressions négatives au Togo en 2005, qui malheureusement l'ont rattrapé 12 ans plus tard. Donc je crois que l'opposition togolaise rencontrerait volontiers une autre délégation de la francophonie. C'est juste parce que nous ne voulons plus de ces businessmen qui sont aux businessmen et women qui sont au service des organisations internationales et qui monnaient leur médiation contre espèces sonnantes et trébuchantes. On sait, tout le monde en a un souvenir amer du passage de cette dame à Lomé en 2005. Donc je crois que si aujourd'hui l'opposition s'en méfie, elle a tout à fait raison. Et donc l'opposition se méfie. Rodrigue Pogli, est-ce une bonne stratégie maintenant que l'opposition, dans son ensemble, en bloc, refuse de rencontrer la délégation de l'OIF? Alors, il faut dire ceci. Tout d'abord, le passif très lourd de l'OIF qui pèse une organisation internationale de la francophonie qui a toujours validé les fraudes électorales de ses adeptes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si l'opposition refuse de rencontrer la francophonie, je pense que ce refus-là doit être mis sur le compte d'une radicalisation justifiée. Parce que j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est justifié parce qu'il y a un passif. C'est-à-dire que l'OIF a toujours soutenu la dictature au Togo et ailleurs. Je parlais tout à l'heure de logique de système. Les organisations internationales. On se rappelle, en 2015, on disait que le fichier électoral n'était pas fiable, mais consensuel. Oui, mais je pense que les Togolais et les Africains se focalisent trop sur ces institutions dites internationales qui défendent des intérêts bien compris. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand un peuple veut évoluer, il doit s'affranchir de toutes les tutelles. Les tutelles dites internationales. Les organisations internationales ne sont pas là pour aider les peuples à se relever de la domination. Bien au contraire. C'est pour ça que moi, personnellement, ce type de débat ne m'intéresse pas. Je ne me focalise pas sur les institutions internationales. Il y a toute une documentation sur les institutions internationales et leur rôle, dans le pourrissement de la vie au peuple du tiers-monde. Donc, fermons cette page-là et disons simplement que si l'opposition togolaise refuse de rencontrer l'OIF, pour moi, ce refus-là doit être mis sur le compte d'une radicalisation justifiée. Je vais terminer. La francophonie est un cancer linguistique et un virus politique. Elle pollue et tue tout organisme qu'elle pénètre. Donc, il faut savoir dans quelle logique on est. Si on est dans une logique réformiste, de discussion, de dialogue avec une tyrannie qui a capté le pouvoir dans le sang, dans la violence et qui se maintient par la violence, la ruse, la corruption, en ce moment-là, oui, on peut discuter avec ces organisations qui accompagnent cette tyrannie-là. Mais si on est dans une logique de réappropriation du peuple, de son pouvoir originel, eh bien, on doit s'affranchir de toute cette tutelle. Donc, pour vous, l'opposition a bien fait de ne pas rencontrer la délégation de l'OIF. Absolument. Donc, c'est une bonne absolument, stratégie. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas laisser le peuple togolais se divertir, être diverti par des soi-disant organisations internationales qui, historiquement, ont prouvé leur rôle aux côtés de toutes les dictatures. Donc, qui compte alors l'opposition? L'opposition doit, à mon avis, doit se contenter de structurer la marche du peuple, de renforcer la capacité insurrectionnelle du peuple. C'est tout. C'est ça son devoir. D'accord. Il n'y a pas d'autre devoir aujourd'hui qui soit le nôtre. Il faut simplement qu'on structure la marche de notre peuple, qu'on l'organise, qu'on définisse un agenda stratégique clair, qu'on planifie stratégiquement, et qu'on déploie les tactiques qu'il faut pour pouvoir arriver à rééquilibrer les rapports de force et les faire pencher aux côtés de nos peuples. Parce que la tyrannie ne naît et ne survit dans un pays que lorsque cette tyrannie est arrivée à déséquilibrer l'équilibre, hein, l'équilibre des rapports de force dans le pays. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, notre devoir, c'est de rééquilibrer les rapports de force et même à les faire pencher du côté de notre peuple pour que le peuple puisse reprendre le dessus. On va encore parler un petit peu, avant de vous lancer à Félix Johnson depuis les États-Unis, on va encore parler un peu de la stratégie, hein, même au niveau du peuple togolais ou de l'opposition. Tantôt, vous parlez de revoir, hein, comment former la population face à se défendre face à une violence. Souvent, on voit au Togo que ce sont les militaires, hein, qui font partie du peuple, qui tirent à bout portant sur les manifestants. Alors, la rue elle n'est pas nouveau pour les Togolais qui combattent ce régime depuis plus de 25 ans. Et là, face à cette situation, pour certains Togolais, les manifestations vont bientôt s'essouffler. Alors, y a-t-il, selon vous, un risque d'essoufflement? Non, absolument non. Ces gens-là se trompent parce que, encore une fois, c'est la marche de l'histoire. Ce sont les lois de l'histoire. Il est clair que la tyrannie appelle la révolution et la tyrannie appelle l'insurrection et non des réformes. On ne réforme pas une tyrannie. On ne réforme pas ses fers. Un peuple se lève, brise ses fers et se met en mouvement. C'est ça l'histoire. Donc, je pense que ceux qui pensent que le peuple togolais va s'essouffler se trompent. Oui, il peut y avoir des moments d'essoufflement, hein, momentané. On vient d'interdire les manifestations. Voilà. Mais ça ne va pas empêcher le peuple togolais de continuer sa marche. L'opposition a annoncé, malgré tout, les 18 et 19 octobre prochains, l'opposition maintient ses manifestations à coup sûr. Le pouvoir ne va pas se laisser faire. Vous parlez de tyrannie. Bien sûr. On va faire sortir les militaires dans la rue. Bien sûr. Je pense qu'on en est conscient. Le peuple togolais est conscient, hein, de ce qu'est la réalité de ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que notre devoir, c'est dans le contexte actuel, de structurer le mouvement, d'organiser la marche du peuple vers sa libération, d'élaborer des plans, hein, A, B, C, D, etc., en fonction des circonstances qu'on rencontre, parce que c'est une sorte de guerre, c'est la guerre, parce que le pouvoir qui est en face de nous nous a déclaré la guerre. Ce n'est pas le peuple togolais qui a déclaré la guerre au pouvoir. C'est pour ça qu'il faut structurer les choses, définir le rôle des Togolais, hein, le rôle des Togolais de l'étranger. Citoyens. Hein, le rôle des Togolais de l'étranger est très important dans cette phase historique. On va en parler tout à l'heure. La diaspora doit assumer ses responsabilités. Et ses responsabilités sont immenses. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est d'orienter les manifestations vers des cibles précises incarnant le système. D'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je comprends qu'on veuille bien, pour éviter les massacres, conduire le peuple vers à l'abattoir, pas à l'abattoir, mais vers c'est des places, dit, par exemple. Il y a des opposants qui le disent. Hein. Oui, par exemple à Décon ou d'autres endroits, mais les cibles réelles, quand on veut mener une réelle lutte contre une tyrannie, c'est pas d'aller à Décon. On nous dira, il faut saisir les endroits du pouvoir. On nous dira, Rodrigue Pouglé, pourquoi vous êtes en Suisse, pourquoi vous ne descendez pas sur le terrain. Oui, alors. À cette question, je répondrai simplement que j'ai eu mon parcours. J'ai eu mon parcours. Je me suis retrouvé aujourd'hui en Suisse. Ce n'est pas pour autant que je suis illégitime à penser le bien-être de mon peuple et de mon pays. Même de et loin, depuis ici, même de très longtemps. Oui, depuis ici, je continue de travailler dans l'intérêt bien compris de notre peuple. D'accord. Voilà. Et je pense que notre rêve, ce n'est même pas un rêve. Notre devoir, c'est d'aider autant que faire se peut. Aussi loin que nous soyons, hein, notre peuple a assumé ses responsabilités devant l'histoire. D'accord. Et je pense que nous inscrivons clairement dans la dynamique historique de notre peuple. Affaire Johnson, vous qui parlez également de révolution, d'insurrection populaire, alors la rue a été longtemps la stratégie de l'opposition. La rue n'est pas nouveau pour les Togolais et face à ces situations. Et certains Togolais pensent qu'il y a risque d'essoufflement. Que répondez-vous, Affaire Johnson? Sylvain Amos. Et tout ce qu'il y a jamais été obtenu au Togo comme avancée démocratique, l'a été par la rue. Ça, c'est un fait. Voilà. Maintenant, depuis 2005 que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir dans une mare de sang des Togolais, il a été épargné par des contestations de l'envergure de ce qui se passe actuellement. Voilà. Maintenant, le présent, c'est quoi? On ne voit aucun signe d'essoufflement de la population. Ça, c'est numéro un. Et pour une première fois au Togo, nous avons une opposition qui est unie et qui est disciplinée. Nous avons aussi une diaspora qui est debout et qui est prête. Donc voilà, les réseaux sociaux qui n'existaient pas avant, je parle de Facebook, je parle de WhatsApp et Telegram et tout, qui sont utilisés à 100% par les Togolais et qui obligent même le gouvernement togolais à couper la connexion Internet pendant des jours au pays pour priver les citoyens d'informations. Donc, avec tout cela couplé avec le climat social délétère qui reste dans le pays et ce régime qui commence par multiplier les erreurs interdisant les marches, les jours ouvrables, les jours non ouvrables, je crois que cette fois-ci, le peuple tient le bon bout. Le peuple tient vraiment le bon bout. Le fruit est mûr, ce régime dictatorial va tomber. D'accord. Il va tomber. Vous en êtes sûr? Oui, que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Voilà ce que notre hymne national nous dit. Et actuellement, le Togo est debout et le Togo lutte sans défaillance. Nous vaincrons dans la dignité. Ça, je vous le promets, nous allons vaincre ce régime dans la dignité. Personne ne va s'essouffler. Nous allons battre le pavé jusqu'à ce qu'il s'en aille. D'accord. Les Togolais l'ont démontré encore une fois ce samedi à Strasbourg, même aux États-Unis. Il y a toujours la mobilisation, mais comme l'a dit aussi, et comme beaucoup de Togolais l'ont dit, et de beaucoup de leaders de l'opinion l'ont dit, maintenant, la mobilisation, hier, il faut passer à l'acte. Eh bien, Rodrigue Pogli, certains observateurs nationaux et internationaux soutiennent que l'opposition est dans l'illégalité, hein. Le mot, il faut que je prononce ça encore une fois, l'illégalité, hein. Donc, on pense que l'opposition est dans l'illégalité totale de demander à Fon Asingbé de partir par la rue, alors qu'il est encore en plein mandat. Votre réaction, Rodrigue? Ceux qui combattent l'illégalité ne peuvent pas être dans l'illégalité. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Sauf que je répète. Le mandat de Fon Asingbé, c'est jusqu'en 2020. Oui, je me répète. Voilà. Pourquoi vous le forcez à démissionner? Voilà. Très bien. Je me répète. Ceux qui combattent l'illégalité ne peuvent pas être dans l'illégalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Fon Asingbé a capté illégalement et illégitimement le pouvoir en 2005. Dans quel sens? Pour nos panafricains, les Togolais. Il a commis 3 coups d'État. Un coup d'État constitutionnel, militaire et électoral. À la mort de son père, nous savons dans quelles conditions Fon Asingbé est arrivé au pouvoir, hein, en toilettant, en modifiant complètement la constitution, hein. Et, après, les militaires, quand le peuple s'est levé contre ça, l'armée a tiré sur la population. Après, il y a eu les élections très contestées. Fon Asingbé n'a jamais été élu. Nous étions sur le terrain. Nous avions collecté les résultats. Et nous savions que Fon Asingbé n'a jamais gagné les élections au Togo. Le régime RPT n'a jamais gagné des élections au Togo. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font leur outil essentiel, c'est la violence. Voilà. Donc, ceux qui combattent l'illégalité ne peuvent pas être dans l'illégalité. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Fon Asingbé se maintenant au pouvoir par des fraudes électorales répétées, par la violence, par la corruption et la ruse, il est tout à fait clair que ceux qui s'opposent à lui sont plutôt du côté de la loi et de la légalité. Voilà. Avery Johnson, donc des diplomates, hein, et ceux qui se disent diplomatie, tout ça là, disent que l'opposition est dans l'illégalité de demander à Ford de démissionner ou bien faire partie Ford d'assimiler par la rue. Votre réaction, Avery Johnson? Oui, Sylvain. Comment en est-on arrivé à demander le départ pur et simple de Fon Asingbé du pouvoir? Voilà la question qu'il faut se poser. Justement. Il a promis de faire des réformes. 2 mandats, 2 tours aux élections depuis plus de 10 ans. Et il a pris le temps pour utiliser tous les subterfuges et tous les tours dans le chapeau du magicien pour tromper le peuple, rouler le peuple dans la farine. Maintenant, le peuple n'a plus aucune confiance en lui pour tenir des engagements. C'est pourquoi sa démission devient une obligation pour avancer dans le sens des réformes et de l'alternance. 12 ans, c'est trop pour faire juste des réformes. On n'en veut plus. On ne veut plus des réformes, on veut notre constitution de 92, on veut que la loi s'applique immédiatement et que Fon Asingbé décerpisse. On n'en veut plus. Ce régime, on en a marre et il doit partir. D'accord. Eh bien, comment Poggi voulait rebondir sur ce que... C'est que, il est clair qu'il y a un contentieux vieux de 50 ans entre le peuple togolais et ses gouvernants, depuis 50 ans. Ce contentieux-là, à un moment donné de l'histoire, il doit être soldé. Et c'est ça, maintenant, que le peuple est en train de faire. Moi, je ne veux pas trop m'attarder sur des raisonnements, genre, réforme ou pas, faut qu'il doit faire des réformes. Non. Il y a un contentieux entre le peuple togolais et le régime en place depuis 50 ans. Et ce contentieux-là, c'est le moment. Hein, c'est le moment où le peuple est en train de vouloir solder ce contentieux-là. Il y a toute une série de faits, hein, qui font que ce régime est disqualifié depuis longtemps. Les assassinats, les crimes économiques, le viol, hein, la corruption, la ruse, les répressions énormes, immenses. D'accord. Hein, toutes les violations, hein, des droits humains, hein, la dignité humaine, la dignité du peuple bafouée, hein, les crimes économiques, tout ça, à un moment donné de l'histoire, ces crimes-là doivent être discutés et soldés. Donc aujourd'hui, c'est dans la logique de l'histoire qu'à un moment donné, le pouvoir illégitime, violent, corrompu, nu, hein, se confronte à sa propre réalité qui est qu'il n'a pas le soutien du peuple et le peuple est debout maintenant. D'accord. Tout notre devoir, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est de renforcer la capacité opérationnelle de notre peuple. Je crois même que c'est un mythe de penser que l'armée togolaise soit unie à ce point-là, de sorte qu'on ne puisse jamais avoir des gens de cette armée qui soutiennent la cause du peuple. D'accord. Maintenant, il est clair que ceux qui détiennent le commandement dans l'armée togolaise sont sont quasiment de la famille de Gnassingbé. Mais il y a, je dis bien, il y a des gens dans cette armée qui soutiennent le peuple togolais. Parlons justement de l'armée. Encore une fois, il faut savoir utiliser, faut savoir utiliser toutes les faiblesses de la dictature. D'accord. On va parler un petit peu. Et elle en a. Hein. D'accord. Tout à fait. On va parler un petit peu de la stratégie de Faure Gnassingbé, qui se voit pas pour le moment. Il y a un auditeur qui nous a attiré l'attention la semaine dernière. Le schéma de Faure Gnassingbé, il y a la démocratie au Togo. Nous laissons l'opposition manifester tous les jours. Mais là, on vient d'interdire les manifestations en jour ouvrable. Avant, on disait, vous manifestez tant que vous voulez, tous les jours. Ne réprimez pas. Voilà, on cache un peu la répression au nord du Togo, à Mango, à Lomé. Ne les réprimez pas. On montre à l'opinion internationale qu'il y a la démocratie au Togo. Mais alors, face à cette situation, quel doit être le rôle du citoyen togolais? Le citoyen togolais, il doit être à la fois dans une logique de dénonciation des faits commis, des faits graves commis par le régime en place, mais surtout, il doit être dans une logique d'organisation. Moi, j'insiste là-dessus, parce que sans l'organisation, on ne peut rien faire. Puisque l'organisation sur le plan international, on voit que le Togo est dans une démocratie, on vous laisse manifester, ça, c'est l'apparence on ne réprime choses. Pas. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que le régime, on l'a dit tout à l'heure, utilise la ruse et la violence. C'est les deux composantes de son existence. Et à chaque fois que besoin en est, il utilise la violence et ses dérivés. Et si l'occasion s'y prête, c'est la ruse et ses dérivés et ses déclinaisons. Donc, je pense que nous devons être dans la compréhension. On doit comprendre, on doit chercher à comprendre le régime, c'est-à-dire comment il se structure, comment il fonctionne, comment il utilise les armes de la propagande, les armes de la communication, du verbe à faible intensité pour camoufler le gant de velours qui cache la main de fer. On doit pouvoir dénoncer et montrer tout ça. On doit être dans l'explication, dans la pédagogie. Mais on doit aussi être dans la logique d'organisation. Parce que ce qui compte en définitive, c'est l'efficacité de la contestation populaire. C'est que cette contestation populaire doit produire un résultat. Et pour qu'elle produise un résultat, il faudra que les Togolais mobilisent leur énergie sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comment renforcer la capacité de nos peuples face à une tyrannie qui utilise le ressort de la propagande et de la violence quand tout la situation lui impose d'utiliser l'un ou l'autre des moyens. Affaire Johnson, vous êtes en direct avec nous depuis les États-Unis. Et comme la Pogli, vous êtes secrétaire général du MOLTRA, Mouvement pour la Libération Totale et la Reconstruction de l'Afrique, porte-parole de la communauté togolaise en Suisse. Eh bien, Affaire Johnson, on a parlé de la rue, on a parlé également des répressions. Et face maintenant à cette situation, on dit que maintenant, peuple togolais, ta flamme de mobilisation rallumée ne doit plus en aucun cas se teindre. Alors, comment s'organiser? Aujourd'hui, Google l'a dit, organisons-nous. Mais dans la diaspora, sans langue de bois, on voit qu'il manque d'organisation. Et qu'est-ce que vous avez à dire à tous les mouvements qui se sont constitués ici même dans la diaspora? Comment nous organiser avec Johnson? Oh oui, Sylvain, je crois que le problème qui se pose actuellement dans la diaspora est très simple. C'est-à-dire, pendant longtemps, nous avons cru que ce régime allait partir. Donc les gens sont toujours dans cet état dubitatif quant à la possibilité que ce régime s'en aille. Donc c'est pourquoi ils sont timidement engagés dans cette lutte. Voilà, c'est à nous de leur dire que cette fois-ci, nous tenons le bon bout et que nous avons besoin de tout le monde pour que ce régime s'en aille une fois pour de bon. Enfin, donc, je ne voudrais pas vous interrompre, mais il y a aussi une question très importante. Voilà, il y a des Togolais qui ont la conviction depuis des années. Il y en a ceux qui sont découragés, désabusés, ils veulent plus s'en mêler de la vie politique au Togo. Maintenant, un vent nouveau, entre guillemets, est venu donner encore une ferveur à cette mobilisation. Ces Togolais disent que pendant 2 ou 3 ou 4 jours, Faure Gnassingbé doit partir. Et maintenant, Faure Gnassingbé ne part pas, ils sont encore découragés. Quel est votre mot à l'endroit de ces Togolais-là? Voilà, la lutte contre une dictature de 50 ans, c'est une montagne que nous grimpons. Et quelquefois, nous allons avoir des ratés et nous allons redescendre de quelques mètres. Mais l'essentiel, c'est de poursuivre notre ascension vers notre liberté. Voilà, ce peuple ne peut plus reculer. Nous n'avons plus aucune option. Nous allons aller au sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, c'est le déguerpissement du régime d'Engasoubé. Donc, si par le passé nous avons échoué, si par le passé nous avons eu des déceptions, maintenant il faut y croire. Il faut que tout le monde amène un doigt pour boucher les trous de la vase. Et quand nous serons unis, comme notre opposition l'est maintenant, et quand nous allons supporter les actions qui sont engagées dans la diaspora, quand nous allons cotiser, quand nous allons mettre les moyens au niveau de la population, cette population va réaliser le miracle dont nous avons tous rêvé un jour. Et ce miracle, c'est la fin de la dictature dans notre pays. Donc, on vous parle d'organisation, même au niveau financier. Comment vous dites, Pogli, on va revenir un petit peu sur le silence de Faure Gnassingbé. Et là, ce silence, il y a beaucoup de Togolais qui ne le comprennent pas. Comment vous comprenez le silence de Faure Gnassingbé? Alors, avant de répondre à cette question, permettez que je retourne un peu à la question précédente, qui porte sur le rôle de la diaspora. Je pense que les Togolais de l'étranger doivent tout d'abord sentir le besoin, la nécessité, d'appartenir à un peuple, à un pays qui est en souffrance. C'est d'abord ça, parce que c'est de ça que découlent les engagements. Si vous ne sentez pas la douleur de nos peuples, si les gens sont ici parce qu'ils ont un travail, ils ont un petit bien-être, un petit confort, et ils se satisfont de ça, non, effectivement, ces gens-là ne peuvent pas se sentir concernés par. On doit se sentir concernés. Donc la diaspora, les Togolais de l'étranger doivent d'abord ressentir la douleur du peuple togolais qui est resté là-bas au pays, dans sa chair. Il faut d'abord ça. C'est ça qui détermine. Depuis un moment, on le sent, la diaspora est réveillée. Oui, maintenant, maintenant. Il y a une mobilisation. Maintenant qu'il y a un réveil, il faut structurer. Structurer, ensuite organiser, donner des responsabilités à un certain nombre de personnes, et ensuite fournir les moyens à la fois intellectuels, spirituels, financier à notre peuple qui en a besoin aujourd'hui. Et par notre exemple, par l'exemple de la mobilisation de la diaspora, on peut aussi encourager moralement les gens qui sont sur le terrain en train d'affronter les balles, hein, à notre place. Et je rappelle que une des revendications de la contestation actuelle, c'est le vote de la diaspora. Tout à fait. Donc, quand les gens se font massacrer pour que la diaspora, pour que les Togolais de l'étranger puissent voter, je ne crois pas que ce soit de bon ton, hein, que les Togolais, justement, de l'étranger se disent découragés, se disent, désabusés. Non. Non. Donc, il faut qu'on s'organise. Et, dans cette logique-là, la manifestation de Paris, je peux me permettre de le dire ici, exactement, a accouché d'une résolution. Et la résolution est que on est en train de constituer une caravane gloutonne, intitulée caravane gloutonne de la résistance togolaise, qui va sillonner tous les pays de l'Europe et de l'Amérique et même de l'Afrique, où on va essayer de structurer, d'organiser les diasporas. Partout où les Togolais sont, ils doivent se rassembler, taire les divergences, hein, surtout les querelles interpersonnelles de bas étage qui nous minent souvent, hein, et ensuite désigner des responsables, se réunir autour de ces responsables-là, réfléchir ensemble, parce qu'il ne suffit pas, il ne s'agit pas simplement de raisonner sur la chute du régime, il faut aussi réfléchir sur ce qu'on va mettre à la place de ce régime-là. Donc ça c'est des choses qui nous attendent concrètement. Maintenant, en ce qui concerne le silence de Fonia Singbe, il faut dire simplement que Fonia Singbe méprise et clairement déteste le peuple togolais. Le fondement de son pouvoir n'étant pas le peuple, il n'en a rien à foutre, pour parler clairement. Alors, par conséquent, il ne sent aucun besoin, hein, de lui parler. Et à la vérité, le peuple togolais, les Togolais n'attendent pas du tyran, hein, sa parole. On n'attend pas que Fonia Singbe parle. Ce qu'on lui demande, c'est de rendre le pouvoir au peuple togolais. Et s'il n'est pas, et s'il n'a pas suffisamment d'intelligence, et s'il n'a pas suffisamment de recul, hein, historique, pour voir que dans l'histoire de l'humanité, aucune tyrannie n'a vaincu un peuple, eh bien, s'il s'accroche au pouvoir, à un moment donné, le peuple togolais assumera ses responsabilités. Je crois que il est déjà en train d'arriver à ça. Et nous devons pousser très fort pour que le peuple togolais puisse effectivement prendre ses responsabilités et briser ses fers pour essayer de reconstruire le pays sur d'autres valeurs qui sont les valeurs purement africaines, tout en tenant compte de notre parcours historique dans le monde. On va résumer, hein, cette émission et affaire Johnson, hein, donc pendant que le peuple togolais, hein, se bat pour sa liberté et pendant que des anciens chefs d'État, hein, soutiennent, hein, le peuple togolais, John Jinri Rolis, Obasanjo, de grands chanteurs Tikenja Fakoli et la béninoise Angélique Kidjo. On a écouté une chanson d'un Ivoirien dont j'oublie le nom déjà. Donc je pense que vous l'avez écouté, la chanson Rodrigue Pogli. Et ça fait petit Odé. Donc lui, il rend gloire à Fonia Singbe. Donc Fonia Singbe, il est très fort, il est très intelligent. Là, voilà, face à cette crise, les chefs d'État, 5 chefs d'État sont annoncés au Togo pour encore un dialogue entre pouvoir d'opposition. Le pouvoir refuse de rencontrer l'OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Alors, que direz-vous? Beaucoup de Togolais pensent qu'il y a un complot international contre le Togo. Que direz-vous à ce peuple togolais meurtri, soif de liberté, à Frédéric Johnson? Oui, Sylvain, rapidement, avant que je n'arrive à dire quelque chose au peuple. Vous avez une minute. Hein. Oui, à propos de petit Yodé, hein, je vais lui dire dans le français ivoirien, là, quand pays des chiens est gâté, là, c'est pas cochon qui va réparer ça. Ok, quand pays des chiens est gâté, c'est pas cochon qui va réparer ça. Bon, voilà pour petit Yodé. Bon, voilà. Maintenant, au peuple togolais, je voudrais dire, peuple togolais, tu es seul dans ta lutte. Ne compte sur personne. Il n'y a que toi et ta diaspora qui peuvent libérer ta patrie. On n'attend rien des chefs d'État, on n'attend rien de l'ONU, on n'attend rien de la CEDEAO, on n'attend rien de l'Union africaine. On va faire face à notre destin et on va chasser Fonia Tsingbé et la minorité pieuse. Voilà tout ce que j'ai à dire au peuple. S'ils veulent nous forcer dans une guérilla urbaine, on va y aller. C'est vrai que le sang va couler dans ce pays, mais le sang a toujours coulé. Et pour une fois pour de bon, on va mettre fin à ça. L'armée togolaise qui ne sait pas rester dans sa caserne et qui se mêle de la vie politique du Togo et qui cause des dégâts, on est là, on va résister jusqu'au bout. D'accord, on est là, on va résister jusqu'au bout. Comme là, Rodrigue Pogli, je le disais, vous êtes le secrétaire général du MOLTRA, mouvement de la, pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, porte-parole de la communauté togolaise en Suisse. Quel est votre mot de fin dans cette émission? Alors, disons simplement que le peuple togolais doit faire face à son destin. Il n'a pas à attendre la libération de quelque institution que ce soit, de quelque chef d'État que ce soit, de quelque Deus ex machina que ce soit. Le peuple doit assumer sa responsabilité. L'esclave qui attend que le maître ait pitié de lui, c'est son problème. Voilà. Et je pense que le peuple togolais l'a compris aujourd'hui. D'accord. Donc, nous, encore une fois, notre devoir dans la diaspora, c'est une fois qu'on a dit que Fonia Tsingbé doit partir, ça, c'est une déclaration que même un enfant de deux ans peut dire. Maintenant, il faut se donner les moyens pour y arriver. D'accord. C'est ça le défi. Il suffit pas de dire qui doit partir, Oui, il doit partir. Mais comment faire pour qu'il parte? Il faut y travailler. Et, une dernière chose que je voudrais dire, c'est profiter de votre micro pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques, des gens qui sont détenus parce qu'ils ont marché. Et pas, je pense particulièrement au docteur Kossi Sama, le secrétaire général du PNP, qui est détenu arbitrairement. Nous demandons simplement sa libération inconditionnelle et immédiate, parce que le docteur Sama n'a rien fait, si ce n'est que d'exercer le droit de manifester. Le droit de manifester, tout D'accord. simplement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup également à Ferry Johnson, je le disais, c'est un activiste et politique. Et il a également un blog, donc il anime beaucoup de réflexions sur la libération au Togo et en Afrique. Merci beaucoup à Ferry Johnson. Et pour finir, nous allons retenir pour tous les panafricains, pour tous les Togolais, cette citation de Feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître, et d'un suspect maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Novio, à volonté. À samedi prochain. La constitution de 1992. C'est de ça que mon peuple veut le retour. Constitution, le retour. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi les dieux et nibé contrôle et va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi les dieux. Et n'y bé, à mes bounévards. Oh là, oh là là là là. Le temps du changement est arrivé. Il est temps, le peuple réclame le changement. Le temps du changement est arrivé. La voix du peuple qui parle. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tout quoi les tiens et n'y bé contre les va. Écoute la voix du peuple.